Chapitre 77. Se mettre en colère si les lois d'Allah sont transgressées et faire triompher la religion d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dit: Et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Sourate 22, verset 30. Si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Sourate 47, verset 7. 649. Selon Abu Mas'ud, Uqba ibn Amr al-Badri, radiyallahu anhu, un homme se rendit auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, et lui dit: j'arrive en retard à la prière en commun de l'aube, subh, à cause d'un imam qui prolonge trop sa lecture. Je n'ai jamais vu le prophète, alayhi salatu wassalam, se mettre en colère au cours de l'une de ses exhortations comme ce jour-là. Il dit: ô gens, il y a parmi vous des gens qui rebutent les autres. Quiconque dirige la prière en commun doit l'alléger, car pris derrière lui les vieillards, les enfants et ceux qui sont pressés. Al-Bukhari et Muslim. 650. Aïcha, radiallahu anha, rapporte: le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, revint un jour de voyage et vit un rideau portant des images que j'avais suspendues devant une ouverture pratiquée dans le mur. Son visage changea de couleur et il détruisit les images en disant: ô Aïcha, les gens qui subiront le pire châtiment le jour de la résurrection sont ceux qui tentent d'imiter la création d'Allah. Al-Bukhari et Muslim. 651. D'après Aïcha, radiallahu anha, les gens de Quraysh, la tribu du messager d'Allah, furent préoccupés par le cas de la femme des Bani Makhzoum qui avait commis un vol et s'interrogèrent: qui pourrait intercéder en sa faveur auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Puis ils se dirent: qui peut oser lui parler si ce n'est Usama ibn Zayd, le bien-aimé du messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam? Usama parla donc au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui répondit: intercèdes-tu alors qu'il s'agit d'une peine prescrite par Allah Ta'ala? Puis il se leva et exhorta les gens en disant: ceux qui vous ont précédés n'ont péri que parce que lorsqu'un noble volait parmi eux, ils le laissaient aller. Mais si un faible commettait le même délit, ils lui appliquaient la sentence. Par Allah, si Fatima, la fille de Muhammad, volait, je lui couperais la main. Al-Bukhari et Muslim. 652. D'après Anas, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, vit un crachat ou de la morve sur le mur en direction de la Qibla et en fut visiblement peiné. Il se leva et l'essuya de la main, puis dit: lorsque l'un d'entre vous est en prière, il est en conversation intime avec son Seigneur qui se trouve entre lui et la Qibla. Qu'il ne crache donc pas en direction de la Qibla devant lui, mais sur sa gauche ou sous son pied. Il prit ensuite un pan de son manteau, y cracha, le plia et dit: ou bien qu'il fasse comme ceci. Al-Bukhari et Muslim. Cracher sur sa gauche ou sous son pied n'est possible qu'en dehors de la mosquée. Quant à celui qui se trouve dans la mosquée, il ne peut cracher que dans ses vêtements.